Les aventuriers, c'est votre rendez-vous. Fabienne Chauvière, bonjour. Bonjour Eric. On va parler ce matin d'une maladie à travers un exemple, celui de la chanteuse canadienne Avril Lavigne. Alors elle a annoncé il y a quelques jours la sortie de son nouvel album, mais elle a surtout témoigné de son combat contre la maladie de Lyme, une maladie qui a failli lui coûter la vie, dit-elle. C'est ce qu'elle dit effectivement. Avril Lavigne a contracté cette maladie en 2014, mais n'a été formellement diagnostiquée que plusieurs mois plus tard, car cette maladie est très très mal connue. On la contracte après une piqûre de tique infestée, surtout au printemps ou en automne. Alain Trottmann, qui est immunologiste, directeur de recherche au CNRS et à l'Institut Cochin, redoute un nouveau scandale sanitaire autour de la maladie de Lyme. Pour moi, un scandale sanitaire correspond à une situation où les autorités médicales et politiques savent qu'il y a un problème du domaine de la santé et n'agissent pas ou agissent mal. Actuellement, nous sommes dans une situation où les informations scientifiques sur la maladie de Lyme montrent qu'il importerait beaucoup de faire de la recherche et de donner de bonnes recommandations aux médecins généralistes, et rien de tout cela n'est fait actuellement. Pour Alain Trottmann, qui s'intéresse au sujet parce qu'un membre de sa famille est concerné, déjà les tests destinés à détecter la maladie ne sont pas fiables. Il se trouve que Borrelia, la bactérie responsable de la maladie, a cette particularité de perturber profondément le système immunitaire, ce qui fait qu'il arrive que des gens soient malades, infectés et n'aient quasiment pas d'anticorps détectables. Donc dans ces conditions, les tests actuels laissent passer environ 40% des gens qui sont malades et à qui on dira « non, non, vous êtes séronégatif, vous n'êtes pas malade ». Quand vous parlez de recherche, c'est de recherche sur les tests pour détecter la maladie ou c'est de recherche pour soigner la maladie ? Les deux sont absolument nécessaires et il n'y a rien de tout cela qui est fait sérieusement en France. Vous êtes en train de dire qu'on n'est pas capable de soigner quelqu'un qui a la maladie de Lyme aujourd'hui ? Quelqu'un qui a une maladie de Lyme chronique, qui s'est installée depuis un certain temps, si elle prend les bons antibiotiques et une bonne dose et suffisamment longtemps, va voir son état s'améliorer. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'elle soit guérie, parce que très souvent, c'est suivi de rechute. Moi, j'affirme que les tests sont mauvais et que les antibiotiques ne soignent pas définitivement la maladie de Lyme. Et la maladie de Lyme, ça peut être très grave ? Il y a des gens, heureusement, qui commencent par avoir simplement des atteintes articulaires et qui vont voir ces atteintes articulaires régresser spontanément, et donc ça peut guérir. Mais ça peut aboutir à des atteintes cardiaques, ça peut aboutir à une forme cérébrale qu'on appelle la neuroborreliose, où les gens parlent de cerveau dans le brouillard, des gens qui savaient très bien lire, qui n'arrivent plus à déchiffrer un texte, etc. Donc oui, ça peut être très grave. Alors Fabienne, en attendant de nouveaux tests, donc quels sont les conseils que peut prodiguer cet immunologiste Alain Trottmann ? S'inspecter soigneusement en rentrant de la forêt ou de la campagne, les plis derrière les genoux, sous les bras, car les tiques aiment les petits coins cachés. Et si on pense avoir été piqué, on fait quoi ? On réagit très vite, car si on agit rapidement, on peut éradiquer la maladie avant qu'elle ne s'installe. Certains signes doivent alerter. Toutes les tiques ne sont pas infectées par Borrelia, donc on peut être piqué par une tique et qu'il ne se passe rien. En revanche, si Borrelia est présente dans la morsure infligée par la tique, alors se déclenche souvent, mais pas toujours, ce qu'on appelle un érythème migrant, c'est-à-dire une rougeur qui va devenir grande, qui peut devenir grande presque comme la main, autour de la morsure. Si les antibiotiques sont donnés tout de suite, l'efficacité est très grande. Et de toute façon, quand on est piqué par une tique, il faut enlever cette tique et l'enlever avec ce qu'on appelle un tire-tique. C'est un petit bout de plastique qu'on achète en pharmacie qui permet non pas d'arracher la tique, mais de la dévisser, ce qui permet de sortir la tête qui est enfoncée sous la peau et donc d'enlever aussi tout ce qu'il y a comme saletés qui sont dans cette tête. De façon absolument incroyable, la maladie de Lyme n'est pas traitée dans l'ordre des études de médecine. Et donc, nous ferons attention à ces tiques qui génèrent la maladie de Lyme.